chapitre 7e, ESINS. Maxou, 2 heures plus tard, se rendait à la prison avec une appréhension fébrile. L'attitude de Flavien Morin était la même. Ce fut avec le plus grand calme qu'elle rendit compte à son défenseur de l'interrogatoire qu'elle venait de subir. Maxou, malgré son scepticisme, ne pouvait se défendre d'une vive admiration pour cette nature fière et virile, que le poids des charges amoncelées sur sa tête était impuissant à courber. « Mais, lui demanda-t-il, qu'avez-vous répondu au juge d'instruction lorsqu'il vous a montré le paquet de poudre blanche trouvé dans l'album qui était en votre possession le jour même où vous étiez arrêté ?»« J'ai répondu que cette découverte ne prouvait rien contre moi. Ce livre était sur une table de la lingerie ouverte à tous et le premier venu a pu y placer cette poudre accusatrice dans le but de me perdre plus sûrement. » Vous pensez donc qu'une main ennemie ? Sans aucun doute. Aussi, cette nouvelle charge dont on s'arme contre moi, loin de m'abattre, me fortifie. Elle jette une vive clarté sur ma situation et me démontre l'existence d'une haine implacable. Ces paroles que la jeune prévenue jetait comme un cri de son cœur ranimèrent la conviction un instant ébranlée de son défenseur. Il avait devant lui une innocente. Il le sentait, tout le lui disait. Mais pour faire passer cette certitude dans l'âme des autres, il fallait démasquer l'ennemi acharné à la perte de Flavia. Cet ennemi, qui pouvait-il être ? Enfin, qui soupçonnez-vous ? Dit-il. J'ai beau chercher dans ma pensée, interroger mes souvenirs, aucun nom ne se place sur mes lèvres, répondit-elle, et cependant, je ne dois pas me tromper. Vous êtes bien certaine de n'avoir jamais eu en votre possession du papier semblable à celui dans lequel l'arsenic a été trouvé ? Poursuivit Maxou. Très certaine. J'ai la conviction que si l'on parvenait à découvrir d'où vient ce papier, on aurait la clé de l'énigme. Je sais où il a été fabriqué, continua l'avocat, mais cela n'est qu'un indice insuffisant. Ce qu'il faudrait connaître, c'est le nom de la personne qui a fait imprimer dans l'intérieur du papier les lettres ESINS. Et comment y parvenir, à moins d'un miracle ? Demain, je le saurai peut-être. Ah, ce serait mon salut, s'écria Flavia. Une lueur d'espérance brilla dans ses yeux et une larme mouilla sa paupière. « Monsieur, ajouta-t-elle d'une voix qui exprimait éloquemment toute sa reconnaissance, soyez béni, car c'est Dieu sans doute qui vous a envoyé près de moi pour faire éclater mon innocence. » Une heure après cet entretien, Maxou prenait, en compagnie du reporter Martineau, la diligence qui relie Château-Chinon au chemin de fer, et à 11 heures du soir, il montait dans le train qui se dirige de Cercy-la-Tour à Chagny. Le lendemain matin, à 11 heures, il s'arrêtait à la station de Rives. Les papeteries qui font la fortune de Rives sont installées au fond d'une immense vallée arrosée par une rivière aux eaux cristallines. C'est la pureté de ces eaux qu'a décidé les chefs de ces établissements à s'y fixer. Ce fut par un sentier tout alpestre que Maître Maxou et Martineau arrivèrent à l'importante manufacture dont les produits rivalisent avec ceux d'Angoulême. Le directeur était absent. Un jeune et intelligent contremaître reçut les deux voyageurs. Maxou lui expliqua en quelques mots la nature des renseignements qu'il désirait obtenir. « Pouvez-vous m'indiquer exactement la disposition des lettres que vous avez remarquées ? » lui demanda le contremaître. « Voici un fac-similé que j'ai relevé moi-même, » dit l'avocat. « Très bien, » répondit le jeune homme en prenant le fac-similé. Il alla chercher un registre sur lequel se trouvaient inscrites toutes les commandes et le feuilleta. Le papier à lettres dont vous parlez est en effet sorti de notre fabrique, dit-il à Maxou après un instant de recherche. Les baigneurs de la station d'Uriage l'emploient ordinairement. Voici une feuille entière avec son inscription « Uriage-les-Bains ». Comparez et vous verrez que cette inscription répond parfaitement aux lettres relevées ESINS. Le fragment que vous avez eu entre les mains a été détaché de l'une de ces feuilles. La démonstration était des plus concluantes. C'était bien d'Uriage qu'avait dû être envoyé le papier qui renfermait la poudre accusatrice. Maxou remercia vivement le jeune contremaître du précieux renseignement qu'il venait de lui donner et lui demanda s'il pourrait partir le jour même pour Uriage. « À 4 heures, répondit celui-ci, un train venant de Lyon vous conduira à Grenoble. Vous y arriverez à 6 heures du soir et jusqu'à 8 heures, vous trouverez des voitures de place qui vous transporteront à Uriage-les-Bains. » L'avocat et Martineau se retirèrent et regagnèrent la station où ils se firent servir à déjeuner. Une éclaircie venait de se faire dans les ténèbres qui enveloppaient ce procès criminel. C'était bien à Rives qu'avait été confectionné le papier accusateur. Mais ce coin du voile soulevé, rien au-delà n'apparaissait. Pendant que Maxou mordait à belles dents dans une tranche de gigot, Martineau lui dit tout à coup « Le duc de Vallombreuse n'est-il pas à Uriage ?»« Oui, » répondit l'avocat dont les sourcils se contractèrent. « Est-ce que le coup ne partirait pas de là ?»« Il y a longtemps que ce soupçon m'est venu, » répliqua maître Maxou. « Eh bien, pourquoi donc vais-je à Uriage ?»« Ah, c'est pour cela. Parbleu !» Et pendant le reste du déjeuner, Maxou demeura plongé dans ses réflexions. Martineau, lui, but et mangea comme un homme à jeun depuis 3 jours. Arrivés à Grenoble, les deux amis prirent à la gare un fiacre qui, en moins d'une heure, les conduisit à la station thermale d'Uriage. Rien de plus pittoresque que la route qu'ils parcouraient. Après avoir coupé la vallée du Grésivaudan, ils s'engagèrent dans un vallon étroit au fond duquel coule un ruisselet. À droite et à gauche, des montagnes boisées surplombaient le chemin qui suit les sinus causés par les eaux. Le paysage, qu'encadraient au loin les glaciers alpestres éclairés par les teintes roses d'un soleil couchant, était magnifique. Le jour touchait sa fin lorsque Martineau et Maxou arrivèrent à Uriage. Les baigneurs, répandus çà et là sur les pelouses qui entourent l'établissement thermal, aspiraient la fraîcheur qui descendait des montagnes. Le casino se détachait, étincelant de lumière, sur la masse sombre des constructions. Toutefois, ce spectacle féerique toucha médiocrement nos deux voyageurs. Ils se firent conduire au principal hôtel d'Uriage afin d'y arrêter 2 chambres pour la nuit. Maxou, tout en inscrivant son nom et celui de Martineau sur le registre des voyageurs, parcourut ce registre comme poussé par un indicible pressentiment. Le nom du duc de Vallombreuse fut l'un des premiers qui frappa ses regards. Mais il domina son émotion et rejoignit tranquillement Martineau qui venait de commander leur dîner. Il se pencha à son oreille et lui dit à mi-voix « Il loge dans cet hôtel. » « Qui ?» lui demanda sur le même ton le reporter. « Lui, » répondit l'avocat. « Ah, bon !» En ce moment, un personnage couvert de poussière fit son entrée dans la salle. Tout aussitôt, les domestiques s'empressèrent autour de lui, attendant ses ordres. Le nouvel arrivé, qui avait fort grand air et paraissait exténué de fatigue, se laissa tomber plutôt qu'il ne prit place sur un siège. « Que faut-il servir à monsieur le duc ?» demanda le maître de l'établissement qui venait d'accourir. « Une bouteille de champagne frappée et une volaille froide. » Quelques instants après, cet ordre était exécuté. Maxou et Martineau, en entendant désigner ce personnage par son titre, avaient dressé les oreilles et ouvert les yeux. « Je crois que c'est notre homme, » murmura l'avocat en faisant à son compagnon un clignement d'œil significatif. Lorsque le dîner, commandé par Martineau, eut été apporté, le journaliste demanda au domestique qui les servait, mais de façon à n'être entendu que de lui seul, si leur voisin de table n'était point le duc de Vallombreuse. « C'est bien lui, » répondit le domestique. « Il revient d'une excursion au lac de Coelho. » Maxou, on le voit, ne s'était pas trompé. Le duc de Vallombreuse avait été l'un des plus beaux hommes de son époque. Il conservait, malgré ses 50 ans bien sonnés, des vestiges de sa beauté première. Et il possédait à un degré suprême ce cachet d'élégance qui semble être le privilège presque exclusif des races aristocratiques. Quelques fils d'argent apparaissaient dans sa chevelure brune. Son front était large et haut, et de ses yeux, surmontés de sourcils épais, s'échappaient des regards remplis d'un feu sombre. Le teint du visage était coloré. Ses lèvres dénotaient des penchants matériels, et les plis qu'on remarquait sous ses yeux et aux angles de sa bouche laissaient deviner que le duc avait dû user et abuser largement de la vie. « Regarde bête fauve !» murmura Maxou à l'oreille de Martineau, tout en observant à la dérobée M. de Vallombreuse, qui ne se doutait nullement de l'examen dont il était l'objet. « Demain, je saurai le mot de ce sphinx en chair et en os. »